Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'archéologie préventive, de l'histoire plein les fouilles. Quand nous marchons dans les rues de nos villes, de nos villages, quand nous nous promenons dans la campagne, nous n'osons imaginer quel trésor se cache sous nos pieds. Soudain, un chantier, construction d'une route, d'une voie ferrée, d'un pavillon. Vite, un diagnostic, vite, faites venir les archéologues. Mathias Dupuis, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'archéologie préventive ? Alors l'archéologie préventive, je dirais que c'est un compromis. C'est un compromis entre l'aménagement du territoire, entre la science et entre la préservation du patrimoine. Et c'est un compromis qui a une histoire longue, qui s'inscrit dans une histoire qui est celle des politiques patrimoniales qu'on conduit en France depuis le 19e siècle, et qui vise en fait à tâcher autant que possible de satisfaire l'étude des vestiges archéologiques qui parsèment le territoire. On est dans un pays qui a été très densément occupé depuis des périodes extrêmement anciennes, donc il y a des sites archéologiques partout. Et en même temps, face à sites archéologiques, il y a un usage du sol, qui est un usage économique, un usage social qui fait que on aménage, on construit, on creuse, on transforme nos villes, nos campagnes. Et dans le cadre de ces transformations, interviennent forcément des découvertes de ces sites archéologiques. Et donc, pour faire face à cette confrontation, à cette tension entre ces deux usages du sol, on va dire l'usage patrimonial et puis l'usage économique et social, on a mis en place un certain nombre d'outils législatifs, réglementaires, dont l'archéologie préventive, qui s'inscrit dans la lignée des politiques de préservation du patrimoine, comme toute la législation sur les monuments historiques qui existe depuis le milieu du 19e siècle, depuis 1840, puisque que ça soit les monuments historiques ou l'archéologie, tout serait inscrit dans un même code, le code du patrimoine. Et cette législation permet gérer ces découvertes archéologiques, non pas en sauvegardant les vestiges matériellement, mais en les sauvegardant par la connaissance, par l'étude scientifique. Et d'ailleurs, au moment de réfléchir à la sauvegarde, nous pouvons même dire que, mais par définition même, l'archéologie détruit un site. Absolument, l'archéologie, c'est une des définitions de la discipline archéologique, c'est une discipline qui est destructrice, puisque en créant les archives du sous-sol, c'est-à-dire en documentant le site, on enlève petit à petit ce qu'il contient. Donc l'archéologue lui-même agit par enlèvement de strates successives lorsqu'il fouille, lorsqu'il documente un site, effectivement, en enlevant ces strates successives, on enlève la matière, et ce qu'il en reste, c'est plus que on va dire l'enregistrement, au sens large, ce qu'on appelle l'enregistrement en archéologie, c'est-à-dire l'ensemble des procédés photographiques, numériques, prise de notes, d'analyse des données, qui servent à restituer ce qu'on a enlevé du sol pour documenter le site. Mathias Dupuis, vous êtes directeur de l'archéologie de l'agglomération Chartres Métropole. Alors, au moment d'un chantier, comment intervenez-vous ? Comment ça se passe, cette archéologie préventive ? Alors, dans le cas de Chartres, on vous donne un coup de fil, on a creusé un trou, on t'a trouvé quelque chose ? Alors, heureusement, ça se passe plus comme ça, parce que sinon, ça serait un peu compliqué, effectivement. Quoique, ça arrive encore, des fois, qu'on nous passe un coup de fil en nous disant « Ah, on a trouvé quelque chose, aidez-nous !» Mais généralement, on essaye d'anticiper. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'archéologie préventive. Il y a un changement sémantique qui est extrêmement important. Avant le début des années 2000 et avant la loi sur l'archéologie préventive de 2001, on parlait d'archéologie de sauvetage. Donc sauvetage, ça veut dire effectivement, on arrive et on essaye de faire ce qu'on peut pour sauver ce qui reste. Et on est passé à l'archéologie préventive, donc on est en prévention, donc on essaye d'arriver en amont. Donc en fait, la clé, c'est l'anticipation. Donc en fait, tout ça s'inscrit dans une chaîne opératoire, qui est une chaîne opératoire, non pas au sens chaîne opératoire des industries lithiques, comme l'entendent les archéologues préhistoriens, mais une chaîne opératoire dans le déroulé des étapes du métier, qui compte toute une série d'acteurs, dont nos interlocuteurs de la DRAC, du ministère de la Culture, là, qui sont représentés aujourd'hui, qui vont en fait conduire toute une démarche de connaissances préalables en lien avec avec l'ensemble des archéologues du territoire français, pour documenter au mieux les espaces, les villes, les campagnes, l'ensemble de l'espace du territoire, et tâcher au moment de l'instruction des dossiers d'urbanisme, en fait, c'est-à-dire que au moment où est déposé un permis de construire, où est déposé un permis d'aménager, une étude d'impact, d'avoir connaissance de ces documents, ça fait partie des éléments qui sont imposés par la loi sur l'archéologie préventive, pour pouvoir préalablement aux travaux dans une démarche d'anticipation, faire intervenir des archéologues avant que la construction ait lieu. Hein. Alors, fait des petits trous, quoi. C'est ça. Donc on commence par faire ce qu'on appelle un diagnostic. Hein. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé de meilleure méthode, malgré tous les progrès technologiques que connaît la discipline, on n'a pas trouvé de meilleure méthode que d'aller voir physiquement ce qui se passait sous le sol. Donc la première étape, c'est de faire un diagnostic, d'enlever avec des pelles mécaniques. Généralement, on sonde le terrain, on fait des tranchées, on essaie de couvrir à peu près 10% de la superficie du projet. On fait des tranchées, on creuse, on enlève la terre végétale et on regarde un peu, hein, on soulève quelque part, on soulève une partie de la moquette et puis on regarde en dessous s'il y a des choses. Et là, il y a deux scénarios possibles. Soit il n'y a rien, et continuer, il n'y a rien à voir. Le projet se poursuit sans prescription particulière. Soit il y a des vestiges, et on rentre dans une autre logique qui est celle de la prescription d'une fouille ou des mesures compensatoires, c'est-à-dire de la demande qui est faite à l'aménageur d'éviter de détruire les vestiges pour préserver la ressource archéologique. Et dans tous ces acteurs de l'archéologie préventive, alors il y a vous, l'agglomération Chartres Métropole, donc là on est sur la collectivité territoriale, et vous l'avez évoqué, il y a le ministère de la Culture, alors les DRAC, et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Gwenaëlle Marchal-Legendre, bonjour. Bonjour. Alors comment se construit justement l'organigramme de l'archéologie préventive ? C'est un dialogue, j'imagine, constant, mais pour saisir, parce que je n'y connais rien, j'imagine que prévention, découverte, mais qui s'en occupe ? Est-ce la métropole ? Est-ce la DRAC ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'une DRAC ? Alors, effectivement, c'est la DRAC, le premier interlocuteur de ces deux fameux projets d'aménagement du territoire. Donc, les directions régionales des affaires culturelles, qui représentent le ministère de la Culture en région, sous l'autorité des préfets de région, disposent parmi leurs services de services patrimoniaux, dont les services régionaux de l'archéologie, qui sont en charge de l'application, pardon, du fameux code du patrimoine dont parlait Mathias, et des différentes mesures de l'archéologie préventive. Donc lorsque un aménageur ou lorsqu'un projet fait émerge, très souvent le premier interlocuteur appelé est le service régional de l'archéologie pour déjà les premières interrogations, à savoir est-ce que le projet se situe dans une zone sensible en termes de présence de vestiges archéologiques et y aura-t-il un impact sur les vestiges archéologiques. Pour ce faire, effectivement, les services régionaux de l'archéologie ont en charge un outil extrêmement précieux qui s'appelle la carte archéologique nationale, qui est en fait cet inventaire exhaustif, le plus exhaustif possible, de l'ensemble des faits archéologiques connus et renseignés, et qui est en fait la somme de toute la connaissance archéologique sur le territoire national. Et en fonction, justement, des différents items répertoriés sur l'emprise du projet, en fonction également des problématiques et des réflexions des archéologues, puisque les agents des services régionaux de l'archéologie sont des archéologues, les logiques d'occupation du territoire amènent à conclure si l'aménagement impactera des vestiges archéologiques. Alors, on parle ici d'opérationnel, mais il faut savoir que les services régionaux d'archéologie ont avant tout à cœur de préserver la donnée archéologique. Donc le premier réflexe que nous avons, c'est finalement de chercher à ne pas fouiller et de modifier les projets de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact sur cette ressource archéologique qui est in fine détruite mais sauvegardée par l'étude, si on ne peut pas faire autrement, si le projet ne peut pas être modifié afin de ne pas porter atteinte aux vestiges archéologiques. Donc en fait, la décision est un dialogue avec l'aménageur avant tout, et puis lorsque le chantier doit et le projet doit se faire, en vertu aussi de ses caractéristiques techniques, les services régionaux décident de faire réaliser un diagnostic sur l'ensemble de l'emprise du projet, qui peut être confié aux services de collectivités territoriales, comme celui que dirige Mathias, ou à l'INRAP, tel que l'institut que dirige Monsieur Garcia. Gwenaëlle Marchal-Legendre, vous êtes conservatrice régionale adjointe de l'archéologie sur le site de Poitiers, et donc c'est la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine. Allez, faisons un petit tour à Poitiers. Alors, avant que l'archéologie préventive soit pensée comme elle l'est aujourd'hui. Nous avions ici un ensemble de murs très importants qui appartenaient à des sous-sols de bâtiments gallo-romains du 1er du second et du troisième siècle. Tous ces vestiges, tout cela, dans quelques heures, ça sera disparu. On vous imaginait au service des antiquités tout puissant pour arrêter un chantier, par exemple. Oui, c'est-à-dire que nous sommes très très puissants. La loi nous donne la possibilité, c'est une affaire entendue, d'arrêter un chantier sur l'heure. Mais en fait, nous manquons de moyens pour le faire. À mesure qu'on découvrait un mur, ce mur se trouvait détruit. Nous avions tout juste le temps de le relever. Et c'est seulement après cette fouille que nous pourrons reconstituer les bâtiments. Finalement, il y a incompatibilité entre votre travail et puis la politique de développement de toutes les villes. Incompatibilité, le mot est peut-être un peu fort. Je crois par exemple ici, à côté de Notre-Dame-la-Grande, un jardin archéologique eût fait très bon effet. Évidemment, ça ne résolvait pas le problème de la circulation dans l'intérieur de Poitiers, pour lequel je dois me déclarer tout à fait incompétent. Ah oui, il était incompétent. C'est Monsieur Nicoli qui s'exprimait en 1973. C'est lui qui était responsable de ces affaires culturelles, archéologiques pour la ville de Poitiers. Gwenaël Marchal-Legendre, on peut dire que c'est un de vos prédécesseurs. Est-ce que ce qu'il évoque fait écho à ce que rencontrent aujourd'hui les archéologues? Il y a toujours une tension permanente avec l'urgence d'un chantier. Il faut bien des routes, hein. On a besoin d'aménagement. Et puis les vestiges qu'il faut préserver. Alors, le cas dont il parlait faisait référence, comme le disait Mathias, à une période où on parlait plus d'archéologie de sauvetage et d'archéologie d'urgence que d'archéologie préventive, donc d'anticipation. Donc, il y a toujours, bien évidemment, un dialogue où il est nécessaire de rappeler que le projet a un impact sur un patrimoine archéologique. Et il y a dans le Code du patrimoine toutes les dispositions nécessaires pour permettre à chaque étape du projet, à chaque étape aussi de cette fameuse chaîne opératoire, d'aménager et de modifier le projet d'aménagement ou d'adapter la prescription archéologique à la réalité de l'aménagement pour permettre justement cette fameuse adéquation entre nécessité de l'aménagement du territoire avec toutes ces urgences sociales, économiques, industrielles, et la nécessité de sauvegarder ce qui est réinscrit depuis la loi LCAP de 2016 comme étant le bien commun de la nation. Le patrimoine archéologique, c'est le bien commun aussi de tous, et donc les services de l'État ont à cœur de le préserver et puis surtout de trouver cette fameuse bonne entente. Et pour ça, on a un outil, nous, services de l'État, qui sont les prescriptions d'archéologie préventive. Comme le disait Mathias, une fois qu'on sait qu'il y a des vestiges, on émet un cahier des charges préventives qui détermine toutes les problématiques qui devront être étudiées et comment toutes ces choses-là doivent se faire par les opérateurs, en exact miroir du projet d'aménagement. Donc, il n'y a pas de maximalisme de l'archéologie, on est vraiment le miroir patrimonial du projet d'aménagement. Et la clé pour que tout se passe bien et qu'on ne soit pas dans une urgence, c'est l'anticipation. Il y a la demande de diagnostic anticipé qui existe et il y a ces fameuses interrogations de la carte archéologique nationale qui peuvent se faire. Et à chaque étape, les services de l'État sont là pour accompagner tous les aménageurs dans la configuration de leur projet. Et pour les archéologues, il faut creuser. France Culture, le cours de l'histoire. Vite avant que les hyènes ne viennent. Xavier Mauduit. Vite avant que les hyènes ne viennent. Ah oui, il faut creuser un tunnel, c'est le roi lion avant que les hyènes ne viennent. Parce qu'il y a toujours le risque du pillage, faut le dire, sur les sites archéologiques. Et puis parmi les acteurs de l'archéologie préventive, bien sûr, il y a l'INRAP. Son président est avec nous, Dominique Garcia. Bonjour. Dominique Garcia, c'est l'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. 20 ans, mais quel bel anniversaire, 20 ans. Dominique Garcia, dites-nous pourquoi l'INRAP a été créé. Quelles nécessités ont conduit le législateur à se dire qu'il faut un institut spécialisé dans l'archéologie préventive? Alors mes collègues l'ont rappelé précisément, il y a eu cette archéologie de sauvetage qui s'est développée pendant les 30 glorieuses, au moment où on construisait les parkings, les ZAC, surtout dans les espaces urbains, et que donc là les vestiges étaient mis au jour plus ou moins brutalement et où on intervenait sur le terrain devant les pelles mécaniques, presque en essayant de les stopper. On fouillait à cette donc là, le soir, le week-end, pour essayer de sauver au maximum de vestiges archéologiques. Puis petit à petit, il y a eu des accords de gré à gré qui ont été passés entre les services archéologiques, à l'époque les directions régionales, et les aménageurs pour essayer de financer ces opérations archéologiques. Puis est née cette loi de l'archéologie préventive en 2001 qui a permis de concilier ces deux actions fortes, l'aménagement du territoire et la préservation du patrimoine par l'étude. Et pour cela, effectivement, suite à la promulgation de la loi de 2001, a été créé le 1er février 2002 un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, à qui on a donné ses missions de diagnostic, donc les repérages qui ont été évoqués tout à l'heure, de fouilles, lorsqu'une fouille était prescrite par les services de l'État, mais également d'études archéologiques de ces données et de valorisation, parce que la restitution par l'étude, ce bien commun de la nation que rappelait tout à l'heure Gwenaëlle, n'a de sens que si effectivement il est vu par les citoyens après l'opération archéologique et après l'opération d'aménagement. Donc l'INRAP est créé en 2002. En 2003, la loi est modifiée et la réalisation des diagnostics est également ouverte aux collectivités territoriales et celui des fouilles aux opérateurs publics et privés. Et puis la structure est devenue, agit sur tout le territoire national en complément pour les diagnostics de ce que réalisé par mes collègues des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, l'INRAP, ce sont 2000 chercheuses et chercheurs qui interviennent partout sur le territoire national, en métropole et en outre-mer, sur terre mais également sous l'eau, pour essayer de préserver ce patrimoine par l'étude, la réalisation des diagnostics. Donc c'est environ 2000 diagnostics par an, la réalisation de fouilles, près de 300-400 fouilles par an, et donc 20 ans d'opérations sur le territoire national. Ça permet aujourd'hui d'avoir une vision assez complète, la vision de l'aménagement de notre pays pendant ces 20 ans, reflétée par l'archéologie préventive, mais aussi une image de l'histoire de notre pays qui a été modifiée par cette connaissance acquise grâce aux archives du sous-sol. 20 ans d'archéologie préventive, la fabrique de la France, c'est le titre de l'ouvrage que vous dirigez, Dominique Garcia. Eh bien, cet ouvrage, c'est vrai, retrace, et pour le lecteur, c'est toujours exceptionnel de voir toutes ces découvertes, et surtout ce qu'elles nous apportent, parce que il y a, dans tout ce que vous nous avez décrit, ces différentes étapes. L'arrivée sur le site, le diagnostic, et puis après, l'étude. Mais un élément est essentiel dans ce travail-là, c'est la médiation. Expliquez. Je pensais pas que les maisons allaient être un peu enterrées parce que maintenant les maisons ils sont à la surface. C'est impressionnant. Et on apprend beaucoup de choses. Oui, quand je me balade, je marche sur la terre comme ça, comme si c'était un truc normal, mais je savais pas qu'il y avait autant de choses en dessous. Ah oui, c'est tout simple, mais il faut le dire, c'est au moment de fouilles, hein, d'archéologie préventive dans la Beauce. Nous étions en 2004, donc des enfants qui découvraient. Dominique Garcia, c'est très important d'expliquer ce qui se passe, mais d'autant plus important pour l'archéologie préventive que les habitants entendent depuis des mois, parfois des années, ici va se construire un magasin, ici va passer une route, et puis d'un seul coup, tout s'arrête et arrivent ces gens assez mystérieux avec leurs truelles. Faut expliquer ce qui se passe. Alors il faut l'expliquer, c'est sans doute là la partie la plus fascinante, la plus magique, celle qui nous a touché nous quand nous étions enfants et qui nous touche aujourd'hui quand on transmet cette information là. Cette archéologie préventive, elle se pratique partout sur le territoire national, en centre-ville, dans les zones de banlieue, en milieu rural, je le disais, en métropole, en outre-mer, pas forcément des endroits où il y a des bibliothèques, où il y a des cinémas, où il y a des centres de recherche. Pas forcément des endroits où sont fréquemment présents les chercheuses et les chercheurs. Or, partout en France, on construit des ronds-points, on construit des ZAC, on construit des zones logistiques. Et donc, les habitants voient surgir des chercheurs qui s'intéressent à leur sous-sol. Ce sont d'autant plus, cette médiation est d'autant plus facile que ce sont des chercheurs qui vivent dans la région. Ils sont rattachés à des laboratoires, à des instituts, à des centres de recherche qui sont en région, et donc là on a un plaisir de présenter nos fouilles au quotidien ou lors de visites qui sont programmées, voire pendant les journées européennes de l'archéologie. Cette médiation directe elle a du sens. Moi j'ai le souvenir il y a quelques années à Ivry sur le tracé du Grand Paris, un terrain vague, une fouille est prescrite par l'État, l'INRAP intervient, dégage une nécropole. Et on a vu là venir tous les enfants qui venaient sur ce terrain vague taper dans un ballon, s'intéresser, se pencher sur les vestiges archéologiques, interroger les archéologues qui étaient des médiateurs en direct, et ces enfants s'appropriaient l'histoire de leur secteur. Et un enfant de dire, mais il y avait des choses chez nous, et c'est la première fois qu'on nous en parle. Et donc ça, c'est intéressant. L'histoire au quotidien, sous le pied des gens qui ont toujours vécu là, ou qui sont installés depuis quelques années ou depuis quelques semaines, et une histoire qui permet de se repérer par rapport à un monde qui est en train d'évoluer. Et ça, c'est un aspect magique. Renouvellement de la documentation, proximité. Et en plus, on n'est pas là dans un discours, on n'est pas là dans quelque chose qui est inaccessible. On est là, l'archéologie entre nous, est quelque chose de relativement simple. Là où un archéologue voit un mur, un enfant voit également un mur. Là où il verra un squelette, l'enfant verra un squelette, ou le citoyen verra un squelette. Et donc l'échange est direct, parce que tous les deux constatent un objet, tous les deux échangent, et donc on construit un savoir localement, qui, bien entendu, bien souvent, est mis en perspective localement. Les musées régionaux qu'on a vus fleurir à Rennes, à Besançon, à Narbonne ou à Nîmes, retiennent dans leur collection des objets qui ont été révélés par l'archéologie préventive. Donc, c'est des découvertes qui ont lieu sur place, qui sont partagées avec les citoyens au moment des découvertes, mais ensuite présentées régionalement, et donc qui permettent de redessiner une identité nationale et une identité régionale, mais également de produire une richesse et de produire une connaissance à l'échelle locale. Nous fouillons, c'est votre histoire. Voilà la devise de l'INRAP. Et cela vaut partout, Dominique Garcia l'a bien dit, hein, dès qu'il est question de faire un rond-point, une ZAC, une zone d'aménagement concerté, n'importe quel aménagement, il est possible de trouver quelque chose. Ça vaut partout, mais Mathias Dupuis, ça vaut pour tout. Ce n'est pas simplement la nécessité ou le désir de trouver un temple antique, comme ça a été longtemps le cas. Tout intéresse les archéologues, toutes les périodes et même le plus infime. Alors oui, c'est vrai que l'archéologie est une science qui peut avoir un côté presque un peu totalisant, mais comme l'histoire en fait, puisque tout potentiellement peut devenir objet d'archéologie. Hein. Alors après, tout dépend, il y a des débats épistémologiques au sein de la discipline sur la manière dont on doit la définir et sur ce qu'elle peut recouvrir. Mais en tout cas, il est clair que lorsqu'elle se définit notamment par sa principale méthode qui est la fouille, l'archéologie peut s'intéresser à un spectre extrêmement large de vestiges et de témoignages du passé. Et ça peut aller effectivement des ensembles monumentaux les plus importants jusqu'à des détails très infimes qui sont ceux de la vie quotidienne, à des artefacts mais aussi à des écofacts, c'est-à-dire des témoignages aussi de l'évolution des paysages, de l'évolution de l'environnement. Et il est possible d'appréhender effectivement le territoire sur un rayon très très large qui va aussi concerner, on va dire, l'étude du temps long et la capitalisation, l'accumulation des connaissances, et ça je pense que c'est aussi un atout des équipes qui agissent en local, à l'échelle territoriale, hein, de pouvoir avoir cette capitalisation des connaissances sur un petit territoire, pour pouvoir retracer, comme le disait Dominique, un peu cette épaisseur historique qui est celle d'un territoire sur le temps long. Et ça ne marche qu'à partir du moment où effectivement on pense la discipline dans une dimension cumulative qui permet petit à petit, à partir d'opérations qui sont des fois des opérations extrêmement lourdes, qui peuvent concerner toute la réhabilitation d'un centre ancien ou des opérations beaucoup plus ponctuelles. Par exemple, ce qu'on appelle les suivis de travaux. Nous, on intervient parfois à Chartres lorsqu'il y a des rénovations de réseaux d'eau usée ou de réseaux électriques. Et puis là, on a des archéologues qui passent derrière les pelles et puis qui documentent, qui glanent quelques petits détails, mais petit à petit, ces détails mis bout à bout vont permettre de dessiner effectivement tout ce paysage très complexe et très large du passé d'un territoire. Mathias Dupuis, vous, c'est Chartres. Un chantier comme celui-ci, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive n'emploie qu'un tous les 5 ans. Avec une surface de 12 000 m² et 45 archéologues sur le site, le cœur de ville de Chartres est une des plus grandes fouilles urbaines de France. Avant la construction d'un parking souterrain, le ministère de la Culture a prescrit des recherches en raison de la présence de vestiges majeurs. Faubourg, rempart médiéval, cimetière, cave et domus gallo-romaine, tous ces témoignages vont disparaître à la fin du mois avec le début des travaux. Ce sont les contraintes de l'archéologie préventive. Le calendrier et les moyens doivent répondre à deux objectifs parfois opposés, la recherche scientifique et l'aménagement urbain. Voilà, le journal de France 3 en 2004 évoque un chantier à Chartres. Comment ça se passe? Question de néophyte, comment vous vous organisez? Pourquoi d'un côté c'est l'Institut National d'Archéologie Préventive, l'INRAP, et puis parfois ce sont les collectivités territoriales? Comment se construit ce dialogue? Alors là, effectivement, le témoignage que vous avez passé, c'est la grande fouille de la place des Épars, qui avait été dirigée par mon collègue Hervé Céleste de l'INRAP, en lien évidemment avec les équipes de Chartres. La manière dont ça se passe, c'est variable en fait. Il faut bien avoir conscience que le paysage de l'archéologie territoriale, il est extrêmement diversifié, puisque c'est une compétence qu'exercent les collectivités de façon facultative. Il n'y a rien dans la loi qui impose à une commune, par exemple, de se doter d'archéologues, comme on lui impose de s'occuper des écoles primaires. Donc c'est ce qu'on appelle une compétence facultative, hein, et qui s'est développée aussi dans la foulée des lois de décentralisation à partir du début des années 80. Même si les collectivités emploient des archéologues depuis très longtemps, puisque on peut remonter au 19e siècle par exemple à Paris, où quelqu'un comme Théodore Vaquet, qui est conducteur de travaux à partir du milieu du 19e siècle à Paris, employé par la ville de Paris, va suivre les travaux de rénovation conduits par Haussmann, ce qui va aboutir à la création d'un pôle archéologique à Paris qui existe encore aujourd'hui. Théodore Vaquet, d'ailleurs, a même un compte Twitter, je vous invite à aller le voir. Donc il y a un paysage qui est très diversifié et une complémentarité des acteurs. Et effectivement, l'existence de services archéologiques territoriaux, elle dépend d'une volonté politique. Donc elle est liée à la manière dont localement des élus peuvent s'emparer de cette problématique, puisque la spécificité un peu des collectivités, c'est qu'on est à la fois aménageur et puis aussi acteur de l'action culturelle et de l'action patrimoniale. Donc souvent, les collectivités se sont emparées de cette problématique pour pouvoir maîtriser cette chaîne opératoire de l'archéologie. Et à Chartres, c'est le cas, puisque la ville s'est dotée au début des années 2000, à la suite d'un embryon de service qui existait depuis le milieu des années 70, d'une direction de l'archéologie pour pouvoir accompagner les travaux d'aménagement très lourds qui étaient prévus dans le centre de la ville. Et donc pour ça, il y a des collaborations. Alors des fois, il y a des collectivités dans lesquelles ce sont les services archéologiques de la collectivité qui réalisent la totalité des diagnostics. Dans d'autres collectivités, on se partage le travail avec l'INRAP. Et puis pour les fouilles, des fois, c'est soit les uns, soit les autres qui peuvent intervenir en fonction des plans de charge, en fonction des priorités et en fonction des conventions qui peuvent exister. Gwenaëlle Marchais-Legendre, en écho à ce qui vient d'être dit, dans votre travail, il y a aussi l'estimation du potentiel de découverte d'un site, parce que certains sites sont bien connus, des fermes gallo-romaines, on les connaît, elles sont bien étudiées. Quelle est la part qui entre dans la décision de dire « bon, ça c'est pas très important, ça c'est vraiment très important ». Alors, effectivement, il y a aussi il y a une programmation nationale de la recherche archéologique qui existe. C'est-à-dire, c'est un C'est le travail réalisé par la Commission nationale de la recherche, qui est composée d'un ensemble de chercheurs et d'acteurs de l'archéologie, qui ont défini des grandes problématiques sur lesquelles il faut insister. Donc on regarde également, on va dire, la balance bénéfice-perte au regard de ces problématiques qu'il faut renseigner, qu'il faut documenter. Et on élabore des stratégies de prescription, à savoir également les territoires qui ne sont pas documentés ou qui seraient susceptibles d'être très propices à l'aménagement humain et qui méritent d'être documentés de façon à apporter une connaissance sur des territoires qui peuvent être parfois des zones blanches. La carte archéologique nationale dont je parlais tout à l'heure, c'est un inventaire fondamental de l'archéologie, mais les vides de cette carte archéologique ne sont pas des absences de vestiges, mais plutôt des absences de documentation. Donc il y a aussi ce paramètre à chercher à acquérir ces infimes petits détails qui permettent ensuite d'être dans l'anticipation, dans la prévention, voire dans la mise en valeur de territoires particuliers, soit par le biais du préventif, mais aussi qui permettent de pointer du doigt des potentiels pour la recherche archéologique programmée. Donc c'est également pour cela, comme je le rappelais, que les agents des SRA sont avant tout des archéologues, puisqu'ils ils jugent justement de cette décision à nécessité d'acquérir de la donnée archéologique par rapport à la destruction potentielle des vestiges en regard du projet. Et puis, ils sont pas tout seuls dans cette décision-là. Hein. Quand les services de l'État font choix de prescrire, le cahier des charges est examiné par ce qu'on appelle les commissions territoriales de la recherche archéologique, qui est composée de l'ensemble des opérateurs, INRAP, CNRS, collectivités territoriales, qui pointent du doigt les méthodologies à privilégier ou éventuellement des problématiques à mettre plus en exergue que d'autres dans l'aménagement, en tout cas dans le projet qui est soumis à leur décision. Un SRA, c'est un service régional de l'archéologie. Ah bah oui, il y a des acteurs qui fouillent, mais c'est normal. Nous fouillons, c'est votre histoire, la devise de l'INRAP. Essentiel, l'archéologie aujourd'hui, plus aucun historien, historienne penserait faire de l'histoire sans prendre en compte les données de l'archéologie, tout comme aucun archéologue ne penserait aller fouiller sans prendre en compte, eh bien, les recherches historiques. Oui, tout ça, c'est notre histoire. On vous a raconté peut-être que les Gaulois étaient des sauvages. Eh bien, je vais vous montrer de très belles choses qu'ils faisaient et dont ils se servaient. Tenez, venez voir quelques bijoux. Vous voyez ce beau bracelet ? C'est un bracelet en bronze, il est creux. On dirait qu'il a été fait pour une élégante d'aujourd'hui. Et ça, ce sont des gobelets ? Mais oui, ce sont des gobelets pour boire. Et vous voyez combien ils avaient une vaisselle fine. C'était des gens raffinés que ces prétendus sauvages. Regardez comme il est bien fait, ce gobelet, comme il est élégant de forme, avec son petit pied. Celui de droite, vous voyez, celui qui est bistre, on dirait une flûte à champagne. Qu'est-ce que les Gaulois buvaient dans ces gobelets ? Peut-être de la cervoise, peut-être de l'hydromel, en tout cas certainement des boissons fermentées, car ils aimaient bien boire, c'était nos ancêtres. Ils aimaient bien boire, c'était nos ancêtres. En 1955, c'est une visite à l'exposition d'art gaulois au musée pédagogique. Dominique Garcia, vous êtes l'auteur des Gaulois à l'œil nu. Et puis, vous avez dirigé la Fabrique de la France à l'occasion des 20 ans d'archéologie préventive. Ah, cette vision des Gaulois, nos ancêtres. Mais l'archéologie préventive et l'archéologie tout court permet de relire une histoire de France, de fabriquer la France, de comprendre comment nous imaginons notre passé. Oui, effectivement, on voit de manière plus élargie. Ce qu'on entendait tout à l'heure était proche du roman national, la valorisation de ce Gaulois avec ce vase qui ne pouvait être que raffiné et ce bracelet qui ne pouvait être porté que par une élégante. Donc on mettait en avant des valeurs, on mettait en avant des figures héroïques. C'est donc le roman national qui a eu son utilité, qui est une strate de la construction de notre pays et de la fédération fédération des populations. Aujourd'hui, l'archéologie préventive est tout autre. Elle fait l'éloge du quotidien, des objets du quotidien. Elle fait l'éloge de la proximité, on l'a dit. C'est des découvertes qui ont lieu partout. Elle fait aussi l'éloge de la diversité. Ce sont les traces de migration anciennes. Ce sont les découvertes de cimetières juifs ou musulmans dans certaines villes. Ce sont aussi ces présences franques et autres. Donc, on est là dans un renouvellement fort de la documentation qui permet d'écrire une histoire de notre territoire de façon large, du début du paléolithique jusqu'à nos jours, de ne pas uniquement écrire l'histoire des grands, mais aussi d'écrire des territoires anciens, comme ceux des territoires aujourd'hui en train de se construire. Et autre élément aussi qui me tient à cœur, c'est une archéologie qui se développe dans les espaces ultramarins, non pas pour en tant que miette d'un empire colonial, pour là aussi essayer de retrouver nos ancêtres les Caulois, mais bien pour les rattacher à d'autres espaces, à d'autres régions, donc connecter la métropole avec d'autres espaces, parce qu'aujourd'hui, fouiller à La Réunion, c'est aussi raconter l'histoire de l'océan Indien. Fouiller dans les Antilles, c'est l'histoire des Caraïbes, l'histoire des premiers peuplements, l'histoire de l'esclavage. Fouiller en Guyane ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pointer les différentes phases d'occupation des Amériques. Donc on voit qu'il y a une richesse documentaire issue de l'archéologie préventive. Chaque site, c'est quasiment une nouvelle bibliothèque qui est ouverte et qui permet de raconter une histoire là aussi thématique. On essaie, quand on fait de l'archéologie préventive, de poser les bonnes questions plutôt que de donner les mauvaises réponses. Et aujourd'hui, interroger, donner les clés aux citoyens pour s'interroger sur l'environnement. Cette année, l'INRAP a coproduit une trentaine d'expositions avec les collectivités territoriales, dont une grande exposition à Lyon sur néolithique et anthropocène, qui a eu un très grand succès, parce que ceux qui interrogeaient les populations, les gens qui venaient voir cette exposition, c'était autant les vestiges du néolithique que de voir l'action de l'homme sur le milieu et, en fin de compte, s'interroger sur l'emprise humaine et le devenir dans l'espace naturel. Donc on voit comment on peut reposer des questions sur les migrations, sur l'environnement, sur la nature de la ville et son devenir, et donc des questions qui sont contemporaines et que permet aujourd'hui l'archéologie, grâce à des témoins matériels, d'interroger de façon humble, directe, et qui n'est pas rejetée parce que le discours de l'archéologue est encore respecté, parce qu'il repose sur des éléments matériels et un constat partagé avec celui avec qui il échange. Dans La Fabrique de la France, l'ouvrage que vous dirigez, Dominique Garcia, les 20 ans d'archéologie préventive, nous allons des Néandertaliens et de quand nos ancêtres côtoyaient les mammouths à l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Mathias Dupuis, il y a de ça aussi dans l'archéologie, c'est que tout intéresse l'archéologue aujourd'hui et même le plus contemporain. Toujours dans cette idée de comprendre ce qui s'est passé sur un territoire parce que nous y sommes aujourd'hui et notre passé explique notre présent. Oui, je crois que ça, c'est effectivement un des points très forts de notre discipline. C'est la manière dont on peut confronter les gens à leur usage des lieux. Et en les mettant effectivement en regard avec la complexité du passé. On utilise tous les lieux, c'est-à-dire qu'on se promène dans une ville, on se promène dans son village, on s'interroge des fois sur un peu comment on a pu en arriver là. Et effectivement, l'archéologie, elle révèle quelque part, Dominique le disait très bien, elle révèle un peu cette complexité qui n'est jamais, qui n'est jamais qu'une histoire qui est faite de toute une série de facteurs et qui va effectivement à l'inverse de récits ou de mythes qui pourraient être très univoques dans leur manière d'expliquer les choses. Donc nous, on est là pour dire non, c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple, c'est plus complexe que ça. Et regardez, effectivement, confrontez-vous aux vestiges qu'on retrouve et qui peuvent permettre d'expliquer à quel point cette histoire elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que vous aviez pu l'imaginer. On peut prendre un exemple concret, mais moi j'ai travaillé pendant 8 ans dans les Alpes de Haute-Provence, donc dans un territoire de moyenne montagne, et on a fouillé pendant plusieurs années, d'abord dans le cadre de l'archéologie préventive, puis dans le cadre de l'archéologie programmée, une ancienne cathédrale qui se situe dans un petit village qui s'appelle Sénèze. En fait, c'était amusant parce qu'on a fait cette fouille d'abord sous le terrain de pétanque, situé à côté de la cathédrale. Alors, vous imaginez ce que ça peut représenter en Provence de faire une fouille archéologique sous un terrain de pétanque. Vous avez chamboulé la vie voilà. de beaucoup de gens. Mais c'était extrêmement enrichissant parce qu'en mettant en lumière, effectivement, ce qui se passait sous ce terrain de pétanque où il y avait, en fait, les vestiges du groupe épiscopal paléo-chrétien et puis du haut Moyen-Âge, les gens du village se sont rendus compte petit à petit, se sont réappropriés une histoire qui était la leur. Alors, c'est vrai que c'est pas le roman national, des fois c'est aussi le roman local, mais en fait, ces mythes, ils sont utiles malgré tout dans les constructions identitaires. Et c'est vrai que l'archéologie, elle contribue à ça, des fois bien malgré elle, mais elle contribue à ça aussi en disant, mais regardez, en fait, ça s'est pas passé exactement de la manière dont vous auriez pu le penser. Ici, vous êtes aujourd'hui dans un tout petit village de 200 habitants, mais à l'époque romaine, c'était une capitale de cité. Et ça a évolué de telle manière, ça a été abandonné, ça a été réoccupé, etc., etc. Donc moi, je trouve que c'est ça qui est formidable dans ce métier. C'est cette confrontation permanente qu'on propose aux gens entre leur présent et leur passé. Nos origines sont complexes. Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande... si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Et le président François Mitterrand qui s'exprimait à la Sorbonne, c'était un colloque sur la France et la pluralité des cultures en 1987. Ah ben Dominique Garcia, il y a vraiment de cela dans cette réflexion. C'est où allons-nous? Mais d'où venons-nous? Alors le d'où venons-nous? Il y a le travail des historiens, des historiennes, des archéologues, il y a toute cette réflexion. Je ne sais pas quel poids cette réflexion peut avoir face à d'autres discours, mais peu importe, le travail est là. Et puis il y a l'avenir, il y a les défis. Quels sont les défis de l'archéologie préventive? Alors les défis de l'archéologie préventive, c'est justement de s'adapter aux aménagements futurs. On l'a vu, à un moment donné, l'archéologie préventive, elle s'est construite sur les 10 000 kilomètres de lignes TGV, d'autoroutes. Elle s'est construite sur les Alpes. Aujourd'hui, on a travaillé sur prescription de l'État sur des champs d'éoliennes. On continue à travailler ou à réfléchir pour mettre en place des fouilles préventives sur les grands câbles sous-marins qui relient les continents et qui permettent donc la diffusion des données. C'est un enjeu fort parce qu'en fin de compte, le milieu sous-marin révèle des vestiges importants, que ça soit d'ailleurs, on l'oublie parfois, des vestiges qui naguère étaient hors d'eau. À l'époque de Néandertal, on traversait la Manche à pied. Donc aujourd'hui, quand on extrait des granulats en Manche, quand on pose des câbles, on perd des vestiges archéologiques qui étaient des vestiges qui étaient hors d'eau et qui peuvent intéresser des peuplements anciens. Lorsqu'on aménage des câbles sous-marins ou même quand on met en place aujourd'hui des éoliennes en mer, elles sont rattachées, raccordées au littoral par des espaces importants qui sont notamment des centres de diffusion électrique, et donc il est nécessaire de fouiller dans ces endroits. Donc c'est s'adapter à ces nouveaux types d'aménagement pour ensuite essayer de les documenter. Gwenaëlle pourra en parler, mais il y a aussi la loi sur l'eau, sur la dite de continuité écologique. On est en train aujourd'hui de détruire d'anciens béals, moulins et autres pour permettre aux cours d'eau d'avoir une continuité libre et entière. Or, ces cours d'eau ont aussi été aménagés au cours du temps et il est nécessaire aujourd'hui de les analyser, de les étudier. Gwenaëlle Marchais, excusez-moi Dominique, allez-y. Non, puis il y a d'autres éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que les archéologues aujourd'hui interviennent à des endroits où il y a un fait générateur, là où on a la volonté d'aménager, là où on sait que l'on va détruire. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a des vestiges qui sont détruits de par les modifications climatiques sur les littoraux, qu'il y a des enjeux forts pour nos forêts demain qui devront peut-être être replantées ou qui sont exploitées. Or là, il y a très peu d'archéologie préventive, et il y a aussi des espaces espaces agricoles qui sont bouleversés. Donc on doit pouvoir s'interroger aussi sur d'autres champs d'investigation où le patrimoine est en danger et où il nous manque une documentation permettant de continuer à écrire l'histoire de nos territoires. Gwenaëlle Marchais-Legendre, nous ne le dirons jamais assez, les sites les plus protégés, ce sont ceux qui ne sont pas fouillés, qui n'ont pas de chantier. C'est vrai que c'est déjà très important de laisser un site tel qu'il est. Oui, effectivement, c'est la préservation et l'intervention archéologique apporte une donnée essentielle. Mais effectivement, on parle tout de même d'artificialisation du sol et de nécessité de préserver une donnée archéologique pour le futur, pour les générations futures. C'est aussi ça, transmettre le patrimoine archéologique. Et d'ailleurs, ça sera aussi l'un des enjeux du futur pour l'archéologie préventive qui a apporté énormément de données depuis les 20 dernières années. Désormais aussi, tous en partenariat, l'enjeu est de réussir à transmettre ces archives du sol pour la recherche future. Et ça pose des questions de conservation des biens archéologiques mobiliers. Donc on a évoqué ces fameux centres de conservation et d'études qui sont construits partout en France, en lien avec les collectivités territoriales, l'INRAP et les services de l'État. Et puis aussi, c'est tout ce qui est archivage électronique, sauvegarde d'une donnée électronique, puisque maintenant, la réalité de ces archives du sol sont quand même des formats informatiques, des bases de données, des relevés photogrammétriques qui sont sur des formats informatiques natifs dont il va falloir assurer la pérennité dans le temps. Donc ça va être aussi ça un des enjeux du futur. Et puis sur le terrain, Dominique l'a dit aussi, ça va être aussi toute l'adaptation de l'archéologie à cette urgence climatique. On parle effectivement du recul du trait de côte sur les littoraux où chaque année des sites disparaissent en une heure après chaque tempête hivernale, et l'ensemble des acteurs archéologiques sont mobilisés pour intervenir. Et on est là dans une autre archéologie, mais qui va devenir les enjeux du futur aussi sur le terrain. Et puis effectivement, ces nouveaux champs d'investigation, l'archéologie en haute montagne, l'archéologie subaquatique avec ce rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau. Et puis, c'est toute cette modification, cette mutation de la donnée archéologique. Les services de l'État sont, avec l'ensemble des acteurs, effectivement, je l'ai déjà dit, mobilisés. Et puis, à chacune des étapes, l'État est garant de cette bonne transmission. D'ailleurs, la loi LCAP de 2016 l'a réaffirmé. L'État, d'ailleurs, une fois que l'opération archéologique est terminée, quand les archéologues ont enfin rendu leur rapport d'opération, ont valorisé, écrit leurs articles, l'État devient destinataire de l'ensemble des biens archéologiques mobiliers, des archives de fouilles, et doit le transmettre auprès des différents musées qu'on a déjà évoqués. Mais voilà. Parce que tout ça, c'est notre histoire, en fait. Merci beaucoup, Gwenaëlle Marchais-Legendre, parce que vous représentez, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, les DRAC, mais dans tous les acteurs de l'archéologie préventive, il y avait aussi les collectivités territoriales. Avec vous, Mathias Dupuis, merci beaucoup pour l'agglomération Chartres Métropole. Et puis merci, Dominique Garcia, président de l'INRAP. Et je rappelle, La Fabrique de la France, cet ouvrage que vous dirigez, qui est un régal, hein, ça nous fait traverser quelques millénaires de notre passé. Merci vivement à tous les trois. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Jean le Bon était-il vraiment bon ? À l'école primaire, nos instituteurs nous racontaient l'histoire de France à partir des exploits des grands personnages du passé. Le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, héros de la bataille de Marignan, le général Bonaparte entraînant ses troupes au pont d'Arcole, etc., etc. Parmi les souvenirs que j'ai gardés de ces récits, l'un des plus vifs concerne une scène de la bataille qui eut lieu près de Poitiers le 19 septembre 1356. Assailli par les troupes du prince de Galles, surnommé le prince noir, le roi de France, Jean II, ne dut son salut qu'à son fils Philippe, âgé de 14 ans. Resté aux côtés de son père, il le sauva de la mort en criant constamment « Père, gardez-vous à droite ! Père, gardez-vous à gauche !» Tous deux furent faits prisonniers par les Anglais, mais c'est à l'issue de cette bataille que ce roi de France est devenu Jean II le Bon